Pardonnez-moi, mademoiselle, ne vous effrayez pas, je sais, dans cette maison solennelle, aucun homme n'entrera jamais. Mais moi, je suis un patriarche. Vous pouvez bannir toute ferveur. Je suis un vieux parmi les professeurs et le doyen. Avec moi, vous pouvez bannir toute terreur. Je suis un vieux parmi les professeurs et le doyen.